la nuit porte conseil, faudrait que j'arrive à fermer l'œil. J'ai arrêté les clopes remplies de joie, elles m'enlisaient dans mon fauteuil. Je connais le tarif de l'émotion posée sur feuille. Glissé sur la banquise, mes comptes bancaires sont dans le rouge, la banque crise. Ma patience est partie, la bicrave dans un parking. Faire un retour en arrière n'est pas l'époque que j'admire. J'admets avoir mûri en faisant des fautes, en blessant mes proches. Des soirées arrosées à dormir dans les chiottes. Sourire aux lèvres, en réalité je vis dans ma grotte. J'aime les gens mais la solitude est devenue ma drogue. Entre matons mes caprices du globe. Quand cela dit l'heure que le marmot a des lames de rasoir coincées dans sa gorge. Entre ma glotte et ma bouche, par sa pisse le rhum. Slimane m'envoie cette boucle, j'écris jusqu'à l'aurore. Je me vide jusqu'à l'horreur, mais les rixes pissent le sang. Chaque lettre déposée porte la fureur. Des vérités qui puent que des compliments remplis de poison. Sincérité dans mes lyrics, ma plume dégage l'horizon. Attends, je t'explique quand ça fait mal, c'est qu'il y a des raisons. Préfère des vérités que des faux sourires en location. Des vérités qui puent que des compliments remplis de poison. Sincérité dans mes lyrics, ma plume dégage l'horizon. Attends, je t'explique quand ça fait mal, c'est qu'il y a des raisons. Préfère des vérités que des faux sourires en location. On m'a dit de prendre sur moi que l'amour viendra me guérir. Que ma puissance venait du cœur contenu dans ma cage thoracique. Que le parfum du pardon était mon antalgique. Non mais Dieu, c'était fou, t'affectionnes ceux qui te mettent des coups. Je sais que l'homme est bête, parfois il se trompe de route. Parfois elle garde ma ligne de conduite, possible qu'elle me joue des tours. Pardonnez-moi, vision un peu folle, mais je fais pas des tours. Je suis conscient et serein, n'appelez pas les secours. Bienvenue dans les jardins où on célèbre avec la foudre. Ancien élève de l'impasse, j'ai pris des coups de four. Esquiver les coups de douze, rarissime les coups de pouce. Beaucoup trop de coups de blues, soigner la médecine douce. Mes plaies dans un bain d'ortie, seule la cellule de mon mic. En guise de porte de sortie, je ferai pas des tours. Élevé au pied des tours, dompter l'esprit du malin. Pour survivre parmi les vautours. Des vérités qui puent que des compliments remplis de poison. Sincérité dans mes lyrics, ma plume dégage l'horizon. Attends, je t'explique. Ça fait mal, c'est qu'il y a des raisons. Préfère des vérités que des faux sourires en location. Des vérités qui puent que des compliments remplis de poison. Sincérité dans mes lyrics, ma plume dégage l'horizon. Attends, je t'explique quand ça fait mal, c'est qu'il y a des raisons. Préfère des vérités que des faux sourires en location. J'ai nagé à contre-courant en évitant de boire la tasse. Éprouver le manque de repères, j'ai fait tomber le masque. J'ai constaté que la plupart cachaient leurs sentiments dans cet album à part tes ménages. Personne s'aidant, surfer sur des vagues de larmes. Un guerrier blessé à l'âme, traverser ses champs de bataille, mes vies antérieures s'étendent. Croiser le regard de ma mère qui m'en disait tant. J'ai vu cet avenir prometteur à l'âge de 17 ans. J'suis parti loin sans demander de conseil à personne. Manque d'oseille, on charbonne, la plupart bégaye, j'dégomme. Tant d'intérêts personnels qui me désolent. Ton ego est offensé, la logique d'une vérité qui chiffonne. Vieux ou solitaire, verrouille les faux frères. Dans vos délires, je me sens pas chez moi, j'suis d'une autre sphère. À chacun sa vision, chacun son point de vue. Chacun son chemin, ma vérité je l'articule. Des vérités qui puent que des compliments remplis de poison. Sincérité dans mes lyrics, ma plume dégage l'horizon. Attends, je t'explique quand ça fait mal, c'est qu'il y a des raisons. Préfère des vérités que des faux sourires en location. Des vérités qui puent que des compliments remplis de poison. Sincérité dans mes lyrics, ma plume dégage l'horizon. Attends, je t'explique quand ça fait mal, c'est qu'il y a des raisons. Préfère des vérités que des faux sourires en location.